franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Alors bien sûr, Maison Alfort, c'est l'église Sainte-Agnès, construite entre 1931 et 1933 dans le quartier d'Alfort. Bien sûr, sa construction fut possible notamment grâce à un don de Fernand Moureau, créateur de l'apéritif Suze. Americano, Martini, Bitter, San Pellegrino. Mais j'ai surtout envie de te parler de Buffalo Bill, Margaret. Oui, mais alors là, il va falloir partir beaucoup plus loin que Maison Alfort, loin, dans le Grand Ouest. Eh bien, même pas la peine, Marga, puisque Buffalo Bill, figure mythique de la conquête de l'Ouest, a demeuré à Maison Alfort en 1905, figure-toi. Pas possible. Comme je te le dis, pendant deux mois, durant la tournée à Paris de son fameux spectacle, le Buffalo Bill's Wild West. West Show, c'est pas facile à dire. Alors imagine, hein, les Sioux, les Apaches, la chasse aux bisons, animal nuisible, heureusement quasiment éradiqué. Tout ça sur scène, devant les spectateurs et Bobby. Un petit peu comme Holiday on Ice, mais avec des bisons et sans la glace. Voilà, donc rien à voir en fait. Oui, non, mais dans le sens spectacle américain ou en couleur qui fait rêver avec des danseurs cachés dans des animaux. Non, mais là c'était des vrais animaux. Oui, non, mais par rapport à... Non, mais bon, ça fait rien, tu comprends pas ce que je veux dire. Voilà. Si, je comprends, c'est juste que ça n'a rien à voir avec... Allez, c'est pas... Non, mais ça fait rien, c'est pas grave. Alors, allô, bonjour. Allô, Jérôme. Oui, pardon, je ne vous entendais pas en fait. Ah ben dis donc, pourtant vous êtes des centaines, voire des centaines de milliers à nous écouter et à nous entendre tous les jours. Comment ? Vous êtes un peu dans le déni, non ? De ? Dans le déni de ce que nous vous disons. Ah non, en fait je suis sourd comme un pot, hein, j'ai que 30% d'audition, c'est pour ça. Ah, à chaque oreille ? Ouais. D'accord, donc 30 plus 30, ça vous fait 60%, ça devrait vous suffire hein, pour entendre. Comment ? Ça devrait vous suffire pour entendre. Ça va être pénible. Hein. Ouais, pardon. Hein. Ah, ben, vous entendez quand ça vous arrange, en fait, comme les vieux. Ah, j'ai eu un petit patient sourd et il n'entendait pas ce que je lui disais. Bah ouais. Ah non, pas non. Il n'entendait pas dans le sens où il ne comprenait pas. Mmh. Et oui, il y a entendre et entendre. Vous entendez ça ? Comment ? Ben voyons. Vous n'êtes pas équipé ? Ah ben si, j'ai tout ce qu'il faut où il faut. Hein. C'est amusant ça. Là, je plaisante. Oui, ha. Non, je suis appareillé, hein, mais quand je suis au téléphone, je ne les mets pas, ça fait du Larsen. Mais bon, là, je vais être obligé, attendez, hein, quittez pas. Voilà. Bon, alors, quel est votre souci, Jérôme ? Hein ? Ah, oh, attendez, non, ça fait du Larsen. Oui, bah, je vous ai dit. Hein. Ah bon ? Non, ça, j'ai pas entendu. Écoutez, attendez, enlevez-les parce que ça va être plus pénible que de répéter en parlant fort. Alors. Bon. Jérôme, si vous aviez une pilule magique qui vous permettrait d'avoir une ouïe parfaite, est-ce que vous la prendriez ? Si, je la prendrais. Oui, est-ce que vous la prendriez ? Ben oui. Eh oui, mais malheureusement, Jérôme, cette pilule magique n'existe pas. Ah, je crois que Jérôme n'a pas entendu. Jérôme ? Oui, si, j'ai entendu, mais je vois pas très bien ce que je peux répondre à ça. Ah bon. Alors, c'est quoi votre problème, Jérôme ? À part le fait d'être sûr comme un pot ? Écoutez, Jérôme, je trouve que ce n'est pas une très jolie expression. Et pensez un peu à tous ceux qui nous écoutent et qui ont le même problème que vous. Enfin, tous ceux qui ne peuvent pas nous écouter, justement. Vous êtes sourd de naissance ? Non, c'est dégénératif. Ah oui, bah, c'est encore pire parce que c'est comme si on vous donnait un cadeau hein, et qu'on vous le reprenait en disant Ça te plaît, le bruit de la mer, petit Jérôme ? Eh bien, tu ne l'entendras plus jamais. Non, mais vous savez, ça s'est fait lentement, j'entends encore un peu, hein. Puis il y a des progrès spectaculaires au niveau des implants, les implants cochléaires, c'est-à-dire ceux qui sont posés au niveau du tronc cérébral, tout ça. Ouais, mais n'empêche, ça sera jamais comme des vrais sons naturels hein, qui vous rappelleront votre enfance, quand vous entendiez, vraiment. Vous essayez de me remonter le moral ? Ben ouais. Et là, franchement, je ne sais plus quoi vous dire, parce que j'ai l'impression que rien ne marche. Bon alors, puisque ce n'est pas un problème d'être sourd, c'est quoi votre problème ? Et ben voilà, en fait, je fais de l'eczéma derrière les oreilles au niveau du contact avec mes anciennes prothèses. Maintenant, j'ai des intra-auriculaires. Et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Bon alors, évidemment, hein, pas de cortisone sur l'eczéma, surtout pas. Le plus simple, c'est de bien ôter les croûtes et les peaux sèches, qui avec les ongles, qui avec une pierre ponce, qui avec un papier de verre à grain fin, de manière à nettoyer en profondeur les lésions. Alors ensuite, de l'alcool à 90 pour bien sécher tout ça. Et puis, voilà. Bon, petit remède de grand-mère, des rondelles de citron très salées que vous vous calez derrière les pavillons et ça toute la nuit. Voilà. Jérôme. Bon, c'est pénible. Je vais être obligé de tout répéter, Jérôme. Non, c'est bon. Je réfléchissais parce que ça me paraît très violent votre truc. Hein. Mais je vous ai entendu. Hein. J'ai pas les portugaises ensemblées à ce point-là. Allô? Oui, mais nous, on vous entend, monsieur. Alors, un, c'est très raciste contre les Portugais. Et deux, c'est très raciste contre les handicapés. Hein, Portugais ou non, d'ailleurs. Et pour votre gouverne, Jérôme, petite précision scientifique. Si les Portugaises sont souvent malentendantes, c'est vrai, ce n'est pas parce qu'elles ont un problème dégénératif, comme vous, mais parce qu'elles ont trop de poils dans les oreilles. Ouais, c'est pas raciste, ça, peut-être. Ah non, puisque c'est scientifique et que ça n'a rien à voir avec le sable. Ah bah, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Comment, monsieur ? Ouais, voilà. Tu penses ? Oui, mais enfin, Philippe, tu sais, c'est la psychothérapeute hein, là, qui parle, non l'épouse. Nous devons accepter les colères, les désarrois, nous sommes là pour ça. Même s'il faut parfois écouter des reproches de ceux que nous essayons d'élever, je parle de nos auditeurs. Eh oui, mais Margaret, instruire les sots, c'est jouer du luth pour un sourd ou tenir un miroir devant un aveugle, nous dit Zahiri de Samarcande. Heureusement, Yann Chouquet, lui, n'est pas sourd. Ou alors, il cache bien son jeu. N'est-ce pas, Yann ? N'est-ce pas, Yann ? Bon. Au revoir, Margaret. Oui, bah, au revoir, Philippe. Hein ? T'as quoi, là ? Ah non, c'est rien. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr.